Le ministre coréen des Affaires étrangères, Lee Yong-ho, a envoyé le 16 un message de condoléances à Jean-Marc Ayrault, ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, à propos de grandes pertes de vies humaines en France par un attentat.